Bonsoir Libreville. Bonsoir. Bonsoir Libreville du côté de la cuisine. Bonsoir. Dehors il y a les Librevillois. On dit quoi, Librevillois? Librevillois. Bon, mais de toute façon, est-ce qu'on est libre à Libreville? On est libre. Vous êtes libre? Ok, donc on est libre à Libreville. Bon, dites-moi, comment on peut dire Libreville en anglais? Comment on peut dire Libreville? En anglais, c'est quoi? Comment se dit Libreville? Libreville. Ça veut dire Freetown. Donc Libreville, c'est Freetown. Vous voyez? Libreville, c'est Freetown. Libreville, en français, c'est Gabon. Freetown, c'est de l'autre côté. Donc vous voyez que vous êtes amis. Freetown et Libreville, c'est deux pays, dans deux pays différents. Libreville, Freetown. Freetown, ça c'est au Libreville, non? Que le Seigneur bénisse. On peut continuer dans cette deuxième session, n'est-ce pas? Baissons la tête, prions. Tendre Père, nous te sommes reconnaissants pour ce moment merveilleux que tu nous accordes dans ce merveilleux pays. Ce pays que tu as béni avec des richesses et des ressources insondables. Merci Père de gloire pour les sous-sols de ce pays-ci, pour ces minéraux au Dieu de gloire qu'on n'a pas encore découvert. Merci Père pour ces bénédictions que tu apportes sur tes fils ici. Merci Dieu de gloire pour cette autre voie que tu ouvres pour la parole, pour lequel que tu disposes ici pour toi, pour ceux dont là, ô Dieu, que tu as destiné pour la rédemption. Merci pour ce peuple. Merci, Père de gloire, pour nos frères, pour nos sœurs. Merci pour tous ceux-là qui invoquent ton nom, qui soupirent après toi ici au Gabon. Merci pour tous ces Gabonais qui sont à l'extérieur, qui soupirent auprès de leur pays, parce qu'ils ont vu la main mise au Dieu de gloire de l'ennemi et souhaitent que leur pays, au Dieu de gloire, retourne au Seigneur Jésus-Christ. Je prie pour tous ceux-là qui sont à l'extérieur. Je prie que tu veilles sur chacune de leurs familles et pour les familles qui sont restées au pays, Père, je prie que tu leur donnes de te craindre. Seigneur, détourne les cœurs, Père de gloire, de la voie du péché, de la voie de la sorcellerie, de la voie des pouvoirs magiques, et retourne à toi au nom de Jésus. Toi seul, tu peux incliner les cœurs vers toi, ces cœurs qui sont destinés pour ta gloire. Je prie pour ceux qui sont ici, Père, ceux qui écoutent ma voix maintenant, Père, je prie au Dieu que tu touches chacun d'eux, afin qu'ils retournent à toi de la bonne manière, au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, frère, avant qu'on allait à pause, nous parlions des pharaons, je crois, de l'Égypte et de la protection égyptienne qui pèse sur votre pays. Et tu parlais de ça, on parlait de l'arbre là, pendant qu'il parle de l'arbre, vous parliez de... Allons-y, parle. Qu'est-ce qu'il en est par rapport à cette adonce? Ça veut dire vous connaissez cela ou juste? Vous connaissez l'arbre? Ou toi aussi tu connais mon frère? Expliquez-nous, c'est où? C'est situé où? C'est situé dans quel... ville dans quel pays? En fait, c'est au Cap Espéria. Le Cap Espéria, c'est comment je vais dire, la commune d'Akanda, juste après l'aéroport là-bas. Oui. Donc après, je crois c'est à plus de 30 km, non? 30 km. Bon, moi, je ne m'excuse pas pour ça. Besoin de... Le Cap Espéria, c'est à presque 30 km de. De l'aéroport. Mm-hmm. Et cette table existe. Mais j'ai remarqué que pendant qu'il parlait, vous regardiez à deux. Vous ne disiez pas que le frère Junior dérange dans notre pays. Non, pas tout à fait. Donc, en fait, on se regardait parce que ce qui sortait était quelque chose vrai. Qui existe. Voilà, c'est parce que lui-même, il s'est rendu compte que c'est quelque chose qui est vrai. Oui. Voilà. Mais ça ne pose pas problème. Ça ne vous pose pas problème. Vous ne voyez pas ça comme problème. En fait, le problème qui se passe, c'est qu'on peut connaître, oui. Mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Si ce n'est observer, regarder ce qui se passe et puis et rester comme impuissant. Mm-hmm. La conscience collective. Oui. Et les bébés savent que ça existe. Et les gens, ils vont pour faire leur métier là-bas. Oui. Ils vont ceux qui sont un peu pour le problème de mari, l'autre pour les nominations, quand tu as chargé de... Le gouvernement, les gens vont là-bas pour faire leur rituel, cacher leur cadenas, ainsi de suite. Oui. Donc ça existe, c'est là depuis des lustres. C'est pas bien. Et comme tout autour, comme disait le frère, tout autour, à des centaines de mètres, oui. Il y a des personnes qui ont des cabanes, des cases, des cases, mm-hmm. dans lesquelles ils font des bains aux femmes. Mm-hmm. Et c'est-à-dire que chaque femme qui part là-bas part avec un seau. Oui. Vous partez avec un seau qu'on n'avait jamais utilisé, que vous avez acheté. Oui. Notamment le seau blanc. Oui. Vous allez avec. chez ce monsieur-là. Et parce que plusieurs fois, je suis allé là-bas. Donc, tu y es allé? Je suis allé, mais... Tu as vu l'arbre? Non, en fait, je suis allé, mais je ne suis pas... Je n'ai pas approché. Oui. J'étais à distance. Mais tu vois, tu peux, à distance, tu peux voir l'arbre. Voilà, parce que les femmes avec qui j'allais... Oui. En fait, j'allais là, ils accompagnaient. Oui. Je n'assistais pas à leur... Voilà. J'ai resté à distance. Donc, pour rentrer chez le monsieur, elle mettait juste... Les pagnes, le pain blanc, comme ça, ouais, blanc. Et ouais. Le pain tout blanc. Mm-hmm. Vous entrez chez le monsieur, chacune sort avec un seau et puis vous vous dirigez vers là où. Non, mais je voulais dire, est-ce que dans ce pays, si on considère ça comme mauvais ou bien on considère comme c'est une coutume, comme si c'était normal? Bon, les gens trouvent que c'est. En fait, pour la plupart, oui. Puisque c'est quelque chose qui est ancré même bien dans les attitudes, les habitudes, oui. Les gens prennent ça pour quelque chose de normal. Donc, si vous dites même à quelqu'un de ne pas y aller, oui. La personne voit en vous peut-être un frein, c'est-à-dire que, comme un obstacle. Oui. Puisque beaucoup qui y vont trouvent s'il faut des solutions. Ils trouvent solution. Donc, en fait, il y a le résultat. Il y a le résultat, voilà. Voilà. Alors, maintenant, est-ce que cet arbre-là est simple alors? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est, en fait, c'est là-bas où ils vont tout serrer. Quand à l'époque, c'était même une zone où. Est-ce, le frère, il peut parler plus haut que ça. Mais c'est comme ça qu'il parle. Tu veux dire, c'est comme ça qu'il parle. Dans la zone, les gens qui avaient fait des rituels, oui. Déposaient même faisaient des sacrifices là-bas, déposaient des billets d'argent et autres, tout oui. Ça. Oui. Et souvent, même les gens qui passaient, quand vous ramassez ces sous-là, il y a des gens qui tombaient des fois malades et d'autres fous. Donc ça dit qu'on vient faire le rituel, on dépose l'argent oui, là-bas. Oui, quand tu viens voir cet argent, tu ramasses la folie. D'argent. Vous trouvez des sommes, sommes colossales. Des sommes colossales d'argent. Oui. Quand tu vois comme ça, c'est irrésistible. Ils ont déposé, oui, mais oui. Beaucoup de personnes qui ont tenté, comme dit le frère, de prendre, oui. Ont subi. Soit tu deviens fou, soit tu meurs par accident, bon, des choses. C'est suite, oui. Oui. Donc ce qui fait que. Certaines personnes ont peur d'approcher là parce qu'ils savent qu'on l'a dans la tête. On sait que c'est quelque chose qui n'est pas simple. Oui. On sait que c'est compliqué. Donc ça veut dire que dans le haut sommet de l'État ici, on connaît ça. On bien. Connaît, bien sûr. De toute façon, vous avez entendu la voix. Il faut que cette table soit abattue parce que plusieurs vies y sont encastrées. Plusieurs vies. Il dit le tronc, il sonne et il dit le tronc, c'est là, c'est vraiment vieux. Quand vous voyez le tronc, c'est comme le dos de l'éléphant. Et puis c'est Yorokayo. C'est là, c'est vieux. Cadenas cloué. Vous voyez? Et je crois qu'il y a même un deuxième à ciment, à la tombe là. En descendant vers l'école. Là, il y en a fait. Oh, le laboratoire. Pour ambuler les. Il fait le tchat. En face, en face de l'école. Derrière, il fait le tchat. Alain, qui est la forêt. Oui. Ils font les chercheurs font le tchat pour le scénariste. Pour ressortir les médicaments à partir de des plantes. Des plantes naturelles. Mais il y a un lac aussi là-bas où les gens vont toujours faire des sacrifices. Des sacrifices et des cadenas. Comment vous allez évoluer avec le pays, avec ces gens de haut lieu? Comment? Comment vous pouvez. Le vrai problème, c'est même pas le fait qu'il y a la prospérité du pays. Le vrai problème, c'est les vies qui y sont attachées. Donc les gens sont aliénés. Aliénés parce qu'on a vendu le droit de naître les âmes là, sous l'arbre. Et bien, c'est au point où si quelqu'un va pour tenter de couper cet arbre, si ce n'est pas envoyé, je ne sais pas où est l'esprit de Dieu, il va mourir. Tu peux entrer dans le périmètre de l'arbre, tu ne rentres, tu ne sais même plus la route où tu es venu. Bon, s'il y avait question d'interpeller vos autorités maintenant, parce que votre voix ne compte pas, qu'est-ce que vous leur direz alors? Qu'est-ce que tu diras, frère? Qui te laisse tranquille? En fait, s'il y a quelque chose à dire, c'est juste interpeller, n'est-ce pas, non seulement les dirigeants, aussi toute la population gabonaise. Quand même, il faut interpeller que si déjà les dirigeants d'abord qui sont établis vont l'avoir, mais on va interpeller. Qu'est-ce qu'il faut donc faire, frère? Parce que moi, je me pose. Donc, que la population marche pour dire que toi, tu dois partir, c'est l'arbre là qui doit partir, pas vrai? Mais bon, en fait, moi, je suis pas contre. La population ne fait pas de décision. Ça vient du haut. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Je sais pas, mais là, maintenant, c'est un peu notre niveau. Donc ça dit on laisse comme ça, Gabon continue. Il faut que Dieu lui-même abatte là. Non, mais pourquoi? Donc on dit envoie le tonnerre sur ça. C'est possible, hein? Il n'y a, okay, a pas de solution, parce que moi je ne vois pas. Si déjà, on attendait peut-être que le peuple aussi a vu nous. Oui, bien oui. sûr. Parce que moi je m'appuie, il y a une histoire là que moi je m'appuie que comme on m'a vivait, oui. après c'était un peu tendu. Oui. Pour de la FG pour nous voilà, on mettait les produits à l'intérieur pour nous calmer, pour nous adoucir. On mettait produits où? Dans l'eau des pompes. L'eau des pompes. Pour vous affaiblir. Oui, pour affaiblir les gens, pour t'as dit. Voilà, t'as dit tu étais chaud, du coup, tu commences à te refroidir un peu pour lui, non, ça va aller, oui. Puis il va bien et pour ça. Donc vous saoulez à partir de l'eau naturelle que vous buvez dans la maison. Mais attends, mais c'est pas la blague. À la présidence. Oui. Je l'ai appris que Sylvain Bongo avait giflé un des agents qu'on fait de la mine. Au cas de la mine. C'est au cas de la mine parce qu'il avait donné l'eau de la pompe au chien. Oui. Tu t'imagines pour l'eau de la pompe, c'est-à-dire l'eau de la pompe là, on est sur le chien. Oui. Elle se fâche, elle dit, ne fais plus jamais ça. Elle gifle l'homme en question. Elle gifle l'homme à cause du chien. À cause du chien, parce que le chien boit l'eau de la pompe. Maintenant, nous qui buvons de la pompe là, nous sommes d'eau. Mais nous, on fait comment? Donc, ça veut dire qu'ils savaient ce qu'ils font. Mais ils savent, ils savent ce qu'ils font là-bas. Maintenant, nous, on fait comment? C'est pas notre niveau, c'est pas notre niveau, à notre pouvoir. On ne dirige pas, on ne gère rien. Non, donc, à partir du pouvoir, à partir du haut, on vous contrôle, vous manipule. Mais c'est comme ça. Si déjà elle s'est fâchée du fait qu'on donne l'eau de la pompe à son chien, elle dit je ne veux plus ça, il y a l'eau potable. Il faut donner l'eau potable au chien. Donc c'est l'eau minérale qu'on donne au chien. On donne au chien à la présidence. Bon, maintenant, quand on donne... Peut-être c'est parce que c'est le chien, le président de tous les chiens du Gabon. Il faut traiter quand même le président des chiens à sa juste valeur, pas vrai. Ils savent ce qu'ils font, c'est spirituel. Bon, du coup, on ne peut pas. Donc le frère Fabien dit on retourne à Dieu pour que Dieu envoie son tonnerre là-bas, lui seul. Et mon frère, oui. Par rapport à votre question, oui. J'ai une parole que j'ai lue hier, oui. qui me vient en tête dans Romains 10 au verset 14. Oui. Comment? Ceci. Comment donc invoqueront-ils celui, n'est-ce pas, en qui ils n'ont pas cru? Ils n'ont pas cru. Oui. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler? S'il n'y a personne qui prêche. Oui. Et comment y aura-t-il, n'est-ce pas, des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Oui. Selon ce qui est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. En fait, c'est quoi? Je voulais un peu dire quelque chose par rapport à ce que le frère disait. Nous, on a, en fait, ce que j'ai appris, c'est que ce qui est de notre ressort, Dieu ne peut pas le faire à notre place. Oui. C'est-à-dire qu'en tant que corps de Christ, nous avons, n'est-ce pas, le devoir de parler. Oui. Le devoir de prêcher. Et dès qu'on, quand on prêche, nous n'avons pas la puissance, n'est-ce pas, pour ne pas dire la capacité de convaincre les cœurs. Oui. On prêche, c'est là où on fait notre travail. C'est Dieu maintenant qui s'occupe du reste. Oui. Parce que je me dis, mais si nous on ne parle pas, qui parlera à notre place? Dieu nous a donné quand même la capacité de parler. La plus haute autorité de votre pays, c'est qui? Mais la haute autorité, c'est le président de la République. Ok, maintenant. Il est mêlé là-dedans ou il n'est pas mêlé? Il est mêlé. Tu vois, tu tournes vers ce type-ci, il le représente, d'accord? Tourne-toi vers lui. C'est toi qui as dit, d'après ce qu'on a dit là-bas, qu'il faut parler. Tourne-toi. Parle-lui. Voici le président de la République au-devant de toi. Par rapport à cette situation. Bon. Bon, comment? Il est là. Tourne-toi vers lui, frère. Imagine-toi si tu as la bulle, donc Fabien a parlé. Tu as lu le bouton. Tu as lu le bouton. Au moins de deux secondes. Ce que j'en ai, vous riez, vous savez pas ce que j'en ai fait. Vous le voici. Parlez-lui. Parle-lui. Des situations du Gabonais, de ce que nous sommes de parler, de cet état d'esprit des choses. Parle-lui. Frère, il est là, oui. C'est une chose. Là, on imagine bien ça, c'est lui. Mais comment faire pour voir lui? Parle-lui. Quand tu parles, il a dit sa responsabilité, c'est de parler. Oui. Parle seulement. Okay. Parle. Il s'appelle comment déjà? Donc, tu comprends le nom de ton président? Ali Ben. Ou bien vous avez deux présidents déjà ici? Ali Ben. Voilà, Ali. Je ne sais pas comment dire. Mais... En fait, ce qui t'arrive là, c'est quand on donne l'eau là aux gens. Quand vous êtes dehors, vous bavardez contre le président. N'est-ce pas? Si c'est plein là-bas, il dit que toi, place ta demande. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu vas dire, en fait, c'est même pas moi qui faisais. C'est la soeur grâce du frère Junior qui sont venus du Cameroun. Ils ont commencé à bavarder l'histoire de l'arbre là. C'est même pas. Monsieur le président, vous êtes un bon président. Hein? c'est ce que tu vas dire, non? Voici le président. Je suis en train de faire quelque chose. Parle-lui. Tourne-toi vers le président. Parle-lui de ce qui se passe. En fait, par rapport à la parole de Dieu, oui. Je je pourrais énumérer devant le président. Non, non, ce n'est pas une supposition. Voilà. Il est devant le président. Tu es devant le président. Voilà. Tu vas encore dire que monsieur le président, je pourrais ignorer devant le président beaucoup des chapelets, des choses dont on souffre dans ce pays. Tu vas encore sortir pour aller chercher le numéro. Parle au président. Le président se trouve devant toi. Bon, monsieur le président, le pays passe une situation compliquée, d'où la population semble être asservie par certains rites et coutumes qui ne glorifient pas l'Éternel. Et Dieu nous interpelle par rapport à cette situation. Notamment, les arbres sur lesquels les hommes battent fait des sacrifices, des rituels. Et toutes ces choses aux yeux de l'Éternel ne sont pas bonnes. Et Dieu nous interpelle, n'est-ce pas, de revenir à lui, notamment en abandonnant ces choses, en nous repentant et à nous attacher véritablement à la parole. Ah, tu as transmis un message au président. Bon, si, oui, voici, oui, voici le président de la République. Monsieur le président, si vous entendiez cela, quelle serait la réaction du président? Et Léon, vous le connaissez. Léon a entendu avec un jeune homme, ce président, devant vous, dit que l'Éternel n'est pas content que le Gabon, il y a des choses, notamment l'arbre. Quelle serait la réaction? C'est la réaction du président. Monsieur le président. Certifié puisque ces arbres dont les gens participaient des sacrifices, des rituels existent. Oui, mais moi j'ai besoin de preuves pour prendre les bonnes décisions. Voilà. Des preuves concrètes pour prendre les bonnes décisions. Il faut peut-être faire un saut sur place. Mais vous l'accusez au quartier souvent que lui a son cardinal là-bas. En fait, parce que dans tout ces choses, en fait, les couches qui sont beaucoup plus concernées, ce sont les hauts cadres. Hein. Donc, dis au président que ces hauts cadres sont concernés, dis-lui. Est-ce que vous avez quelques exemples que vous pouvez citer pour nous permettre de monter à la source et voir si c'est vraiment fait ou pas? Quand on parle par exemple de hauts cadres, ce n'est pas que c'est les personnes qui sont facilement identifiables. Mmh. Donc vous venez chez le président lui donner des choses, donc c'est de l'utopie ou bien ce n'est que des racontages ou bien des calomnies du quartier. En fait, c'est-à-dire que lorsqu'on se présente par passé, moi je me rappelle lorsque j'étais parti au Cap Esterias. Cap Esterias, c'est le lieu où cette table est postée. Oui, au Cap Esterias. Mm. Et quand vous voyez véritablement que les véhicules arrivés, vous voyez les personnes qui descendent du véhicule. Vous vous rendez compte quand même que ce ne sont pas le Gabonais ordinaire. Mm. Ils viennent, c'est vrai qu'ils n'ont pas de costume, ils sont habillés en blanc, en panne blanc, mais vous ne pouvez pas s'identifier. Et en fait, déjà, parce que. En fait, c'est bien que on va dire quoi. Tu as pensé là-bas, peut-être une ou deux fois. Oui. Tu as peut-être fait un constat. Bon, on ne sait pas comment là fonctionne, quoi. Est-ce qu'il faut renouveler le contrat? Est-ce que tant qu'il faut venir faire les sacrifices là? Est-ce que. On ne sait pas quoi. Oui. Est-ce que c'est une fois tu pars pour toujours? Est-ce qu'il faut revenir, continuellement venir te laver sur le bois? Je ne sais pas quoi. Parce que en fait, ça dépend. On revient. Voilà, on revient. C'est un rituel qui se renouvelle. Mm-hmm. Voilà, c'est un rituel qui se renouvelle. Notamment, vous allez voir, par exemple, quand j'étais parti avec des femmes qui partaient faire des bains. Ça, c'est en quelle année? Ça fait il y a presque 7 ans. Bon, moi, j'ai une question pour faire junior. Est-ce que c'était pour les chrétiens? C'est à moi. Il est là, tu me demandes à moi s'il était chrétien. Est-ce que tu es chrétien à cette époque-là? Non, j'étais pas chrétien. Donc, tu es ordinaire. J'étais pas chrétien. J'étais pas chrétien. C'est-à-dire, quand j'y allais avec ces femmes-là, oui. Moi-même, je ne savais pas... Que c'est mauvais. voilà, en fait, c'est la première, lorsque j'allais pour la première fois, oui. Je ne savais pas ce qu'elle partait faire. Oui. C'est lorsque je suis arrivé là-bas que je me suis rendu comme métier. Et par rapport aux conversations qu'elle avait pendant qu'on roulait, tout ça, que je me suis rendu compte véritablement de ce qu'elle partait faire. Voilà. Et quel est le résultat sur leur vie? Elle partait faire quoi concrètement? C'est pour les celles que tu as accompagnées. D'après la conversation que je retenais, en fait, l'homme avait deux femmes. Oui. Voilà. Et celle-là partait faire le bain. Oui. Pour que le mari puisse l'aimer. Vous entendez ce qu'il dit ici dans le message, n'est-ce pas? Alors, oui. Pour que le mari puisse l'aimer plus que l'autre. Et éventuellement évincer celle-là. Il se pourrait que c'était la deuxième fois que cette femme-là partait parce que. Quand elle avait pris le premier saut, oui. Elle était venue à la maison, elle a mis ça dans la douche de... De l'autre femme? Non, dans la douche du... Du mari ou bien quoi? Du gardien. Oui. C'est-à-dire le gardien. Le gardien de la concession, le gardien a son appartement, ouais, sa dépendance. Son appartement. Donc elle avait mis ça à la douche du gardien. Oui. Donc c'est quand le mari n'était pas là, oui. Qu'elle partait utiliser le saut. Oui. Et quand elle utilisait le saut, elle revenait le mettre là. Pour cacher. Oui, pour cacher, pour que le mari ne voit pas. Oui. Donc, ça, au bout d'un temps, oui. Il fallait renouveler. Faire le même rituel. Faire le même rituel, il fallait renouveler. Puisqu'on va te donner peut-être un seau avec des feuilles, je ne sais pas quoi, à l'intérieur. On va te dire ça, c'est peut-être pour une période de 3 ou 6 mois. Oui. Donc, après cette période-là, il faut revenir. Oui. Renouveler le traitement. Oui. Voilà. Mais à l'issue donc de cela, qu'est-ce qui est arrivé à cette femme-là et son foyer? Tu as des nouvelles? Non, je n'ai pas de nouvelles puisque elle disait effectivement que ça marche. C'est comme on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que quand elles font ça, oui. Il y a un résultat. Oui. Donc il y a l'assurance pour que ça va donner. Non, pas que ça va donner. Si ça ne donnait pas, elle ne partirait pas. Elle ne partirait pas. C'est-à-dire que elle, c'est une autre femme qui a essayé ça qui l'amène. Oui. Donc c'est parce que ça a marché pour elle. Voilà, c'est parce que ça a marché pour elle que celle-là l'amène. Oui. En fait, ça va de bouche à oreille. Oui. Donc si ça a marché pour telle femme, elle dit à l'autre que oh, voilà ce que j'ai fait, ça a marché. Puis oui. Tu acceptes, elle t'amène aussi. Oui. Et quand vous voyez des véhicules qui arrivent là-bas, vraiment c'est des V8 tout ça, mais c'est des véhicules que le Gabonais ordinaire ne peut pas avoir. Oui. Donc ça veut dire que dans la bouche, ça se passe comme ça, et les gens sur le sommet commencent. Voilà. Du coup, si un Gabonais ordinaire en V8, ça devient une confusion. Pour est-ce qu'il n'a pas mis ses mains là-bas? Absolument. Si c'est la voie, puisque je m'habitue à voir les. Mais vu que c'est un système, qui a pris de l'ampleur dans notre société, c'est-à-dire que sortir de nulle part et avoir les véhicules de ces gens-là, c'est pas facile. Parce que les véhicules là, c'est des véhicules de près de 80 millions. Ok, maintenant, les Gabonais y vont pour trouver le bonheur et de toutes les couches de la société. Qu'est-ce que vous leur dites en tant que Gabonais, vos frères maintenant? Vous êtes conscient maintenant que c'est pas bon. Qu'est-ce que vous leur dites? Vous avez commencé par le président vous a effrayé. Maintenant, les autres alors, comment vous pouvez leur dire? Si tu rencontres maintenant, par exemple, cette femme-là que tu as accompagnée, elle a cela 7 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Mais justement, lui présenter l'évangile. Il a dit qu'elle a la Bible à la maison, que Dieu donne le pouvoir pour n'importe qui. Mais... C'est un don de Dieu. L'arbre ne sort pas du ciel pour tomber là-bas. Qu'est-ce que tu en dis? Mais ce que vous dites, frère, puisque même les pasteurs, ils vont à cette table-là. En fait, c'est des choses qu'on a toujours rencontrées. Oui. C'est-à-dire, quand tu prêches à quelqu'un, la personne va te dire que j'ai la Bible à la maison, moi aussi je prie. En fait, c'est des choses qui ne manquent pas. Oui. À mon niveau, je crois qu'il ne faut pas toujours se lasser. Voilà, de parler. Donc, si tu avais cette femme devant toi, qu'est-ce que tu lui dirais? Mais je lui dirais tout simplement d'abandonner tout ce qu'elle fait. Donc si son mari part, tu vas lui donner son mari. Parce que le but, c'est conquérir son mari. Ça, c'est pour le cadre de la femme seulement. Il y a des gens qui ont bâti des grands empires, des business avec ça. Quand tu le rencontres, qu'est-ce qu'il va faire avec toutes ses richesses? Il y a un prix à payer pour suivre Jésus, je vous le dis. Donc, grosso modo, quel est le message pour vous, en tant que peuple gabonais qui avez compris maintenant que cette chose-là dérange votre pays? Qu'est-ce que vous direz aux Gabonais, vos frères, qui visent et qui d'autres pourront entendre, ceux qui n'ont pas encore entendu, avec la curiosité pour y aller, pour éventuellement avoir de la richesse? Qu'est-ce que vous voulez dire à tout ce monde-là? Frère Fabien, tu vas laisser que les gens-là qui vous gouvernent continuent à mettre des choses dans de l'eau, vous voulez? En fait, moi je peux expliquer ça. C'est que ça fait... C'est pas... 17 mois. 7 à 8 mois que je prends un peu la parole. Bon, en fait, parler comme ça du jour au lendemain pour dire, bon, quelqu'un, bon, va, arrête de faire ça, c'est pas bon, tu prends un risque. Tout ce que tu fais là, c'est pas mérité. Mmh. C'est tout ce qu'on fait, il faut mériter. Mmh. Parce que quand j'ai un parcours de prouver, il faut mériter certains choses, il faut travailler, parce que je n'aime pas les paresseux. Mmh. Parce que là, encore, ceux qui parlent là-bas sont des paresseux, il y en a qui veulent la vie facile. Donc, tu vois, c'est ceux qui ont le V8 là, le président de la République, mais donc tu veux dire que ton président est un paresseux. Bon, moi, je ne cacherai pas ça. Bon, moi, je vous le dis. Donc, ça dit, tu parles à la présidente, tu vas dire que, monsieur le président, vous êtes un paresseux. Moi, je peux, bon, pas que je peux le dire. Mmh. Moi, j'ai continué de dire aux gens. Quand tu n'es pas bon, tu n'es pas bon. Quand tu es dans ton cas, tu es dans ton cas. Quand tu es un faible, tu es un faible. Mmh. Et du coup, dans mon milieu, je n'aime même pas trop pour ça parce que moi, je suis un peu brut. Voilà. Et du coup, bon, pour le cas d'un chef d'État, c'est vrai que dans le passé, on va dire tu es opposant, on va dire ceci, cela. Et depuis que, bon, enfin, moi, je pense sur le cas de la parole. Oui. En fait, c'est le fait que, bon, maintenant, on ne parle plus n'importe comment. Oui. Aujourd'hui, on a des versets bibliques qui affirment certaines choses. Oui. On a Matthieu qui affirme que Jésus dit, ou Satan a dit à Jésus, le Seigneur devant moi, tu donnes toute la terre. Oui. Donc, on va comprendre aujourd'hui que ce n'est pas simple. C'est-à-dire, quand quelqu'un fait que je suis conscient de ce que j'ai fait là, mm-hmm. je ne suis pas Dieu. Mm-hmm. Il y a ceux qui sont conscients que là où j'ai fait, ou là où je vais là, moi, je m'en fous. Oui. Tout ce que je veux, c'est bien vivre. Mm-hmm. Il y a deux qui sont là qui disent que bon, on va encore faire comment, je suis ignorant, je ne connais pas. Mmh. Ils vont aller, parce que quand tu connais les gens parlent aujourd'hui, par exemple, le cas du chapitre des temples, oui. du Ngozé, conseil, moi j'ai eu un débat où quelqu'un te dit bien dans le passé que l'évangile nous a prouvé. Oui. Avant que ça ne vienne, on avait notre Dieu. Mmh. Vous, nous avons amené, on amène la Bible, on avait nos parents qui dansaient, ça fonctionnait bien, pas de problème. Depuis que l'évangile est arrivé, vous voulez tout mettre sur l'évangile. Tu vois, ça dépend des couches maintenant. Mmh. Donc, pour le cas d'un chef d'État, oui. moi je suis un peu surpris parce que c'est un chef d'État, un chef d'État n'est pas un homme ordinaire, mm-hmm. il n'est pas simple, oui. il est gouverné, même si vous montrez qu'il s'y gouverne, il est gouverné, mm-hmm. il a des conditions à remplir au quotidien pour pouvoir satisfaire son poste et consorts. Oui. Maintenant, pour un chef d'État, qu'est-ce qui peut dire un chef d'État? C'est le fait de dire, pour moi, tout chef d'État est d'abord un paresseux. Oui. Pour moi, d'abord, c'est la base. Donc, tout chef d'État, donc dis clairement, nous sommes le cadre du Gabon. Tu veux oui. dire que votre président, son excellence Ali Bongo, est paresseux. Oui, il est paresseux parce que, vu, ça fait 7 ans qu'il a pris le pouvoir. Oui. Ce qu'il a fait en 7 ans, on n'a pas vu. Oui. Moi, c'est un paresseux, quoi. Bon, s'il rendrait tous vos rues un peu comme à Rabat, à Tanger et à Casablanca, il aurait fait une bonne chose avec cette table-là. Bon, en fait, le niveau de pompe, en fait, pour ce bois-là, parce oui. que je peux dire pour ce bois-là. L'arbre dont on parle. Oui. Mm-hmm. En fait, ce que moi je peux dire, c'est que c'est pas sur. C'est pas conclu par les abonnés, quoi. Mm-hmm. Non. C'est une divinité qui est là. Mm-hmm. Les divinités sont servies par le diable, oui. par Lucifer. Et si. Fais-moi un peu qu'on a un choix. Pour moi, c'est le choix, quoi. Je pense que nous sommes à Evendo, c'est ça? Au Evendo. Est-ce que le chef d'État peut demander, par un décret, qu'on bloque tout le cadre, tout cet environnement, c'est que les gens ne sortent pas ici, et ça, c'est fait? Bien sûr. Il peut le faire. Il a l'autorité sur tout le pays. Il est chef d'État. Donc, c'est un arbre qui le dépasse. Enfin, j'ai dit ça au départ. Mm. Si lui, il a vu le premier consigné, aller là-bas. Oui. Ou son fils. Oui. Ou son ministre. Et il y trouve du bonheur. Du bonheur. Oui. Ça travaille, ça ment bien, ça travaille bien, ça fait ses effets. Mm. Je me vois mal. Mm. Je vois un chef d'État. Enfin, je vois mal aller copier ce bois-là. Donc, d'où encore ma question, justement. Oui. Qu'est-ce que vous lui direz face à face? Parce que vous connaissez la vérité. Il se trouve dans le noir, malgré que ça lui sert. Bon, enfin, moi, tout ce que je peux dire, c'est quoi? C'est qu'il n'est pas éternel au pouvoir. Mm. Pour commencer, il n'est pas éternel. Mm. Ils ont fait des sacrifices au départ. Ils ont, ils ont pourri toute une génération parce qu'aujourd'hui, quand tu regardes le petit Gabonais, c'est la déraille quoi. Mm. À l'âge de 8 ans, on fume une chambre, à l'âge de 10 ans, on fait n'importe quoi, à l'âge de 12 ans, dans les boîtes de nuit, on est dans les snack bars et consomme. C'est qu'il n'est pas éternel. Tu vois, si c'est son diable qui le servent dans nos conditions, mm. mais pas dans un cadre général, c'est-à-dire pas pour tout le monde quoi. Mm. C'est-à-dire qu'il ne doit pas initier les autres. Dans sa folie. Mais puisque tu dis que c'est le diable lui donne effectivement les institutions, qu'il initie, parce qu'il a un rôle à jouer pour avoir le pouvoir. Moi, mon problème, c'est qu'on ne peut pas, parce que c'est un problème spirituel. Mmh. Il y a que Dieu qui peut qui peut en arriver là. Parce que même si on parle, on ne pourra pas en arriver là. Donc si tu vois Libongo, en face, ça veut dire que Libongo, il sait qu'on ne peut rien. Tu n'y peux rien, je n'y peux rien. Continue tellement ta vie, quoi. Non, non, non. Qu'est-ce que tu lui dis là? Bon, moi j'ai une question. Si lui n'a pas coupé le bois lui-même, là, il a fait comment? Mais toi-même, tu as dit qu'il n'était pas éternel. Il aura fait quand même le sacrifice. Jésus Christ a donné sa vie pour son peuple. Mais lui, il a besoin de vivre. Il a besoin d'avoir ses voitures de luxe, ses consorts, voyager en Angleterre, à Rabat et n'importe comment. D'où encore ma question. Qu'est-ce que tu lui diras? Parce que tout ça que tu observes là, il y a un message à lui transmettre. Parce que la voiture de luxe dont tu as parlé, il peut toujours entrer dans cette voiture, faire l'accident et mourir. Pas vrai? Le message, c'est que bon, pour moi. Donc tu as trouvé le message finalement? Bon, pour moi c'est pas le message. Oui. Bon, pour moi, c'est que le salut personnel. Oui. Que ouais. Tu as trouvé ta part, il continue sa part. Ouais, t'as dit pour moi personnellement. Oui. Je crois qu'il y a l'effet encore de l'eau, des eaux là dans son corps, pas vrai? Tu dirais quoi? Tu dirais, tu as quelque chose pour ton président, pour lui parler? Mais tu vas dire, président, je voulais te voter, mais c'est mon père qui avait dit que si tu tentes de voter, tu sors de la maison. Alors, qu'est-ce que tu diras à ton président? Vous ne savez pas quel impact ce mandat de faire là. Qu'est-ce que tu diras pour ton président? Ayant entendu toutes ces choses-là, dit ici par l'esprit qu'il y a quelque chose qui contrôle le pays et dont l'ampleur est nationale. Moi, je dirais juste que toute personne n'est pas éternelle sur terre. C'est ce que tu lui diras. Si tu vois ton président, c'est ça que tu lui diras. Que tu te rappelles que toute personne n'est pas éternelle, souviens-toi de ton père. Vous voyez que vous avez l'emprise du président, n'est-ce pas? Non, moi, je suis pas l'emprise. Non, oui. Moi, je suis pas l'emprise. Moi, je suis pas l'emprise. Donc, tu le vois, tu lui dis, monsieur le président, vis éternellement. Votre 14e voiture, la roue est gâtée. En fait, c'est ça, vous parlerez. Non, non, en fait, c'est pas l'emprise, quoi. Oui. En fait, c'est... C'est que c'est tellement bizarre qu'il ne sait pas comment dire. C'est pas que c'est bizarre, quoi. En fait, à nous, c'est pas que c'est un truc d'être bizarre. Mm. Je ne sais pas comment dire ça. En fait, pour moi, c'est le fait qu'il a plus sa voix. D'autres n'ont plus la voix, quoi. Sa voix implique automatiquement tous les Gabonais. Quel est le message à lui dire? Là, quand même, il faut le Saint-Esprit, quand même. Parce que là, quand même, le courage n'est pas le même. Le courage n'est plus le même. Ouais, le courage n'est pas le même parce que. Lui, il est dirigé, nous ne sommes pas dirigés. Mmh. C'est la différence. Et sa direction vous dirige aussi. C'est tellement ça. N'est-ce pas, frère? Parce que si prend une décision là-bas, d'autres ont le soulèvement, on bloque les rues, ça doit te toucher. Toucher ta maman, un de tes frères mourra dans la barre. Il enverra les militaires verser dans vos quartiers, attraper les gens, on va les amener quelque part dans un camp de concentration et éventuellement exécuter et prendre même peut-être un organe encore pour aller sacrifier sur l'arbre là. Mon frère. Quel message pour votre président concernant l'arbre? Parce que celui qui n'est pas là aujourd'hui, s'il décède, puisque vous avez dit qu'il n'est pas éternel, ce qui est vrai, si un autre vient, le même principe restera. Donc, quand nous parlons de président, ce n'est pas la personne d'Ali Bongo seulement. Bien sûr. C'est le président. Le nom de celui qui viendra. Voilà. Qu'est-ce que le président de la République fera? Ou mieux devra faire? Ou bien devrait faire? Ou bien, chacun le salaire personnel. Si quelqu'un veut mourir, meurt. Chacun se cherche. Je me débrouille. C'est ça? Frère Fabien? Non, la peur n'est pas là. C'est pas la peur, mais c'est le fait d'exprimer l'idée qui est derrière la pensée qui est un peu voilée. Que Dieu bénisse. De toute façon, le Gabon, il y a le doigt de Dieu pointé sur le Gabon. Depuis le haut jusqu'en bas. Que Dieu vous bénisse. Amen. Au soleil, lumière de Dieu répand sur moi. Les rayons de ton éclat pour éclairer les ténèbres de ma vie. Oh, oh, oh, oh.